la micaouette me fait la tête. Cacahuète, cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Canoë. La micao, ma micao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Me mine le moral. Calibat. Mamselle, le son long me traite de con. Bonjour, on est nous, la nouvelle émission des Radio Guimauzo des Ados. Oui, c'est ça, Camille. Comment ça va, Camille ? Bien. Bien ? Alors, donc aujourd'hui, nous sommes le 23. 23 janvier, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons quelqu'un avec nous. Hein ? Donc on va faire un tour de table, comme ça on saura qui est là. Alors je commence par ma droite. Comment tu t'appelles ? Zinedine Piwa. Zinedine, ok. Ensuite ? Timothée, bonjour. À la technique ? C'est moi. Qui, moi ? Christopher, tout à présent. Oui, tu es avec qui, Christopher ? Eh bien, avec Marc. Bonjour tout le monde. Bonjour à Marc. Bonjour, bonjour, je m'appelle Juliana. Oui, Juliana a l'air très réveillée. Bonjour, je m'appelle Juliana. On dirait que tu vas tomber sur la table, Juliana. Et ? Bonjour, je m'appelle Steven. Et enfin ? Bonjour, je m'appelle Romain. Ah, alors qui n'est pas là d'habitude ? Nicolas. Ah non, Romain. Romain, voilà. Nicolas. Donc, eh ben, Romain, vous avez souhaité lui poser des questions. Mais avant toute chose, hein, chaque semaine, on passe une chanson mystère. Voilà, la dernière fois, c'était qui ? Zito. Renaud. Oui, c'était Renaud. Oui, oui. Ouais. Les béton. Et aujourd'hui, donc, bouche cousue, et si on peut écouter la chanson mystère. Merci Marc et Christopher. Packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time to touchdown brings me round again. In fact, it's cold as hell. and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. Voilà, la chanson mystère qui d'ailleurs avait été choisie par Romain. Romain, alors si quelqu'un connaît la chanson, qui peut-on appeler à Radio Gémozo déjà, oui. Mais le numéro, qui se souvient? 06 Non, 03. Non, c'est pas ça, Timothée. La bleue. 03. 29. 29. 62, 40, oui. 40. Très bien, c'est Juliana. Bon. Eh ben voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, Juliana pourra le dire entièrement, sans faute. C'est bien, merci. Donc, Zinedine, tu reviens avec nous. Oui. Timothée, tu poses ta carte. Oui, je garde non. Ce que... Voilà, merci. Ouh. Donc, on l'a dit qu'on allait déjà essayer de connaître un peu mieux Romain. Hein, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, bien sûr, les traditionnelles questions. Et bien sûr, Romain, tu as aussi droit au joker, hein, si c'est un peu trop personnel, on va dire. Hein. Alors, ben, vous pouvez y aller. Mais chacun son tour, pas tous en même temps. Vas-y, Juliana. T'as quel âge? Alors, j'ai 36 ans. Pourquoi tu fais hic, Zinedine? Voilà, bon, passons. Ensuite, qui? Moi. Ah, Steven, vas-y. Si tu fais le ménage, c'est toi. Eh bien oui, je fais le ménage. Régulièrement. Oui, Zinedine. Et il y a le Mbappé, toi? Est-ce que t'aimes bien Mbappé? Oui, il est très bon. Oui. Il est très bon, mais qu'est-ce qu'il fait Mbappé exactement? Il joue au foot. Je veux. Ce serait bien que... Juliana. Il joue au foot. Oui, oui Zinedine, c'est ça. Oui. Ok, ensuite. Oui, Timothée. Est-ce que t'as un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien. Est-ce que t'aimes bien Griezmann? C'est un très bon joueur de foot aussi. Oh, Zinedine, mais vous n'avez même pas demandé comment s'appelait l'animal de compagnie. Vous n'êtes pas très curieux. Comment il s'appelle? Demandez. Alors, comment, elle, comment il s'appelle? Elle s'appelle Wally. Wally bavarde. Hein, oui, c'est quoi? Wally bavarde. Wally, ben, c'est un prénom. Yeah. Wally. C'est le nom du chien. Wally, c'est plus intéressant. Bon, Zinedine, mets-toi devant ton micro. Voilà, ensuite, on continue. Vas-y, Juliana. T'aimes bien le foot? Oui, oui, j'aime bien le foot, quand même. Ensuite. Oui, Timothée. Est-ce que tu fais à manger? Oui, régulièrement, presque tous les jours. Oui, Camille. Tu habites où? Alors, j'habite à Sapois. C'est où, Sapois? Vous savez? À côté de la Bresse. À côté de la Bresse. À côté de Paris. Près de Vannier. Tout à fait. C'est bien. C'est loin, la vue, c'est loin. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Bah, Zinedine. Tu habites où, toi, Zinedine? Parle devant le micro. Tu habites où? Gérard May. Ah oui. Alors, est-ce que Gérard May, c'est plus loin que Sapois ou encore avant Non. Non. Ah oui. Mais non, loin. Bon, il y a des choses à revoir, là, quand même, hein. Ensuite, vas-y, Steven. Si tu fais manger presque tous les jours, ça veut dire que tu ne fais pas manger beaucoup de fois. Alors, Romain, excuse-moi, oui, je te demandais de prendre le micro devant toi. Voilà. Bah, parce que je fais. Des fois, il reste pour le lendemain, donc je ne fais pas tous les jours à manger. Ah. Mais je fais très souvent à manger quand même. Ah, c'est bien. Oui, Juliana. Quelle équipe de foot tu préfères? Je dirais la Juventus, quand même. C'est non. Non, toi tu dis non. C'est non, j'ai... C'est pas bien, la Juventus. C'est non. C'est comme ça, la Juventus. Hein? Oui. Ah oui. Oui, c'est non, j'ai... Oh, bah, alors, Romain, tu t'es pas fait un copain, là, avec Zinedine. Tu préfères laquelle, Zinedine? Quelle est ton équipe préférée, Zinedine? Zinedine. Oh, l'équipe de France, alors. C'est ça? Il était dans quelle équipe, Zinedine Zidane? Le Real Madrid. Mais il était dans l'équipe de France. Aussi, oui, mais, ouais. Mais le Real Madrid aussi. Ah oui, bah toi, moi je me suis arrêté à l'équipe. Ouais, et papy, c'est Nano. Oui, on Nano, sait que papy. Tu es fan d'Mbappé. Oui. Ah ouais, papy, c'est Nano. Stop. Timothée, vas-y. Moi, j'adore la France. L'équipe de France. Oui. Ouais. C'est chez nous. Ah bah oui, c'est chez nous. Tu as raison, Timothée. Alors, il y a Christopher, là, qu'on n'a pas entendu. Hé, hey, Romain. Oui. Est-ce que t'aimes bien manger McDo? De temps en temps, mais je suis pas très fan de McDo, quand même. Ok. T'aimes bien le kebab? Ouais, je préfère les kebabs, quand même. Christopher. À toi. Est-ce que tu soutiens les idées jaunes? Alors, oui, je soutiens certaines des idées, mais je préfère que ça se passe dans le calme, quand même. Ok. Ensuite. Moi. Oui. Est-ce que tu as déjà manifesté? Y a longtemps pour le CPE. Ah. Oh. Très peu de fois, quand même. Et vous êtes déjà allé manifester avec vos parents? Non. Oui. Non. Personne? Non. Non. Okay. J'ai juste passé devant, c'est tout. T'as passé devant? Coucou. Hein? Allez-y, continuez avec vos questions. Zinedine. Toi, t'avais dit, as-tu une maison? Oui. Non, mais pas oui, dis la phrase. Oui. Dis, as-tu une maison? Oui. Non, mais à Romain, tu poses la question. Oui. Oui, j'ai une maison, moi. Oui. Oui, mais Romain. J'ai... As-tu une maison? T'as une maison, toi? Alors, j'habite dans un petit chalet. Petit chalet. Moi. Bon, c'est grosse maison, moi. Toi. Bon. Moi, c'est une maison quand même, un chalet. Moi, c'est une grande maison, Didi. Moi. Toi, t'as une grande maison. Ouais. C'est un palais, toi, je suis sûre. Ah, un palace. C'est un palais. pas les Didi, roi Didi. Non, le roi Didi, non. Ah. Allez, on arrête là. Ah. Allez, continuez. Christopher. Est-ce que t'as un baby-foot, c'est toi? Non. Non, pas chez moi. As-tu un baby-foot? Oui. Continue, Christopher. J'ai plus les questions. Ah. Christopher. As-tu une PS4? C'est important, ça. Hein? Non, j'ai une PS3. Tu as quoi, Jean? Oui, Julien. Passes-tu la tondeuse? Bon, en été, quelquefois. Tu la passes, toi, Juliana? Non, non, j'en ai pas de tondeuse. Alors, pourquoi tu demandes ça, Romain? Comme ça. C'est un travail d'homme. Ah, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes qui le font aussi, oui. Tu sais. Oui. Vas-y, Steven. Est-ce que... tu dors avec ton chien? Non. Oui, vas-y, Zinedine. C'est quoi, Cousson? C'est quoi? Cousson? Non, Cousson. Cousson. Ah, c'est une PS3 que j'ai. C'est quoi? Ah, les jeux. Ah, les jeux, à parler. Ouais. Je joue que à FIFA. Je joue c'est quoi, un jeu? Jeu de foot, c'est tout. Jeu de foot? Ah oui. Oui, faux. Alors après, Steven, tu avais demandé... As-tu une voiture? As-tu une voiture? Ah oui, j'ai une voiture, oui. Et puis alors, quand Romain t'a dit oui, j'ai une voiture, tu lui as dit, as-tu déjà eu un accident? Et donc, non, j'en ai jamais eu. Et est-ce que t'as déjà eu... est-ce que t'as combien de consoles, c'est toi? Une seule. Ah, nous, on en a quatre. Vous m'aviez dit. Steven est équipé, hein. Hein? Et donc. On m'en reste une. Après, Timothée, aimes-tu les frites? Oui, j'aime. C'est important, ça. Hein? Oui. Les frites. Oui. Ouais. Donc, tu vois, Romain aime les frites. Ah oui, maison, je préfère. Oui, c'est bouffisson. Christopher, il y a une question qui te revient? Moi aussi, non. J'adore les frites. Tu avais dit, aimes-tu le ski? Oui, j'aime bien le ski. Voilà. Et... Ah, puis Zinedine, c'est intéressant quand même. Aimes-tu ton travail? Tu te rappelles? Ouais. Est-ce que tu peux répéter dans le micro? Depuis j'ai un écran. Ouais. J'aime beaucoup mon travail, oui. Oui, oui. Et puis? Ah, Zinedine, encore une question. Alors, ça, c'était super important. Bois-tu du café? Hein, est-ce que tu peux poser ta question? Négro café, j'adore le café. Et Zinedine, tu aimes bien le café? Tu en bois chez toi? Oh non! Ah non, hein? Si. Donc, je pense que tu as déjà assez d'énergie comme ça. Si, négro café. Négro café. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Mais par contre, moi j'en avais rajouté une que vous n'aviez pas pensé à poser. Quel est ton métier, Romain? Alors là, actuellement, je suis en stage pour devenir, je suis en formation pour devenir moniteur éducateur. Voilà. Oh, voilà. C'est dommage. Peut-être qu'un jour, vous allez voir Romain arriver à l'IME pour remplacer les anciens qui seront partis. C'est vrai? Ah bah oui. Hein? Qui n'est pas là? Qui n'est pas là? Ah bah pour l'instant, non, il n'y a rien de changé. Pour mais voilà. Corinne. Voilà, c'est à ça que je pensais, j'attendais que quelqu'un hein, et voilà, réagisse. Alors, donc, avant de passer aux infos, on va passer la première chanson qui a été choisie par Zinedine. Alors, accrochez-vous sur vos chaises. Ah, t'es content, hein? Eh ben, allez, on envoie Nirvana. Mais il était temps que ça s'arrête. Zinedine était en transe, là. Hein? Tu es content? Oui. Ouais. Alors, moi, j'avais vu, par rapport à cette chanson-là, que c'était l'hymne de toute une génération, équivalent à un titre des Pistols. C'est qui, Pistols? Anarchy in the UK. Tu te rappelles, Marc, de ça? C'était juste au moment où j'écoutais pas. Hop. J'avais vu sur Internet que c'était l'hymne de toute une génération, là, le titre là, de Nirvana. Ouais, les grunge. Les grunge. Du grunge, voilà. Corinne, c'est qui les Pilton? C'est les grunge. Pistols, c'était un groupe aussi. Et les grunge? Non, pas les grunge. Les Pistols. C'est même les Sex Pistols. Pistols tout seul, ça n'existe pas, ça. Carrément punk, oui. Oui. Punk. Ah, et du punk. Ah oui. Bon. Ok. Bon, bah Zinedine, allez, on t'est redescendue, là, ça va mieux. Ok. Eh ben, on va pouvoir commencer avec les infos. Alors, qui avait apporté des infos? Juliana. Alors, attention, il ne suffit pas de lâcher une phrase, on explique. Hein, nous, on veut tout savoir. Hein. Vas-y. Il y a une femme, elle a tué sa fille de 14 ans et plus ses deux fils. Elle a passé au tribunal. Ah. Oui. Et alors, que ça a donné? Elle va passer au tribunal. Elle va passer. Bon, on y est, je crois même, on s'en plein dedans, là. Je crois que c'est en ce moment. Ça passe en ce moment. Oui. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va lui arriver à la dame, là? Elle va aller en prison. Elle va aller en prison. Bah oui, forcément. Donc ça, c'était Juliana. Christopher. Oui. T'es avec nous, Christopher? Oui. Ton info, c'était quoi? Attends, je me rappelle. Attends. C'est plus. Ah. Je l'ai encore dans la tête, Nirvana. Ah, tu l'as encore dans la tête? Oui. Moi, Didi. Oui, bon, Christopher, vas-y. Je sais plus. Alors, toi, tu avais dit, il y a une épidémie. Ah, de la gastro. Oui, et puis c'est tout, je crois. Et la grippe. La grippe, oui. Voilà. Alors, par la même occasion, je vous avais demandé comment faire attention, comment faire pour éviter d'être contaminé. On se lave les mains. Oui, vas-y. On se lave les mains. Oui, déjà. On se lave les mains et puis on se touche là. On se? On tousse. Ah, on tousse. Mais oui, mais t'as dit là, mais les gens qui écoutent, ils voient pas. Eux. Dans le bras. Voilà, vaut mieux tousser dans le bras que dans la main. Que tousser après, sur son après, voisin ou dans la main. On, hein, va toucher des. On va serrer la main, on va devenir comme aux autres. Voilà, on évite de serrer la main. Hein. C'est tout, Christopher? Oui. Voilà. Ensuite. Prêt. Voilà, il y a une amnésie générale, là. Oui. Timothée, tu voulais nous dire quoi tout à l'heure? Je sais plus. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Alors, qui parle de ça? Moi. Alors, vas-y. Les gilets jaunes, ils ont manifesté. Oui. Avec des panneaux et tout. Avec des quoi? Des panneaux. Des panneaux? Oui. Oui. Mais où, Timothée? À Saint-Amé? Non. Ah. Où alors? Oui. À Paris. Palais. Paris, et puis dans différentes villes aussi, des grandes villes. Oui. Hein? Mais par exemple, est-ce que dans vos villages, il y a eu des petites manifestations comme non. Ça? Non. Non. Moi, c'était au calme. Même des petites? Non? Rien non. Du tout? Non. Ok. Et Christopher, il avait parlé d'autre chose. Ah, le débat national. Débat national. J'ai pas trop endardé, Corinne. Hein. Ah oui, mais alors, tu vois, tu... Entre guillemets, tu balances des infos, boum, une phrase, puis après, débrouillez-vous avec ça. Non, mais j'ai entendu un tout petit peu, ça parlait un peu beaucoup. Ça parlait de quoi? Ça parlait... De? De trucs, comme... les chefs, tout ça. Les chefs? Tout ça. Tu vois, la main, il t'aide, là. Non, mais il l'a dit. Ah, il l'a dit? Ah, j'ai pas compris, excuse-moi. Oui, oui. Oui, alors tu penses de quoi, toi, de l'ISF? Faut le remettre. Faut le remettre? Oui. C'est quoi, l'ISF? Prends sur les riches. Pour les riches? Oh. Non, prendre sur les riches. Il faut prendre sur les riches. Oui. Oh. Oui, c'est l'impôt sur la fortune. Oui, là. Oui. J'ai des besoins. Toi, tu dis, il faut le remettre. Oh, oui. Oui. Oh. Et puis, qu'est-ce qu'il faut remettre d'autre, alors? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Attends, c'est pas. C'est pas. Non. Et puis alors, tu parlais là des doléances là, pas du. Voilà. Où est-ce qu'il faut aller remettre les doléances? Il faut aller à la mairie. Ben oui. Ou sur internet aussi, je crois. Oui. Alors, est-ce que toi, tu aurais des choses à demander, à part dire qu'il faut remettre l'ISF? C'est pas là, mais... Remettre l'ISF? Oui, tu l'as déjà dit. Baisser les salaires des députés? Vas-y, on t'écoute, Christophe. C'est tout. C'est tout, ok. Mmh. Oui. Et vous? Quoi? Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ce que Christophe a dit? Il faudrait aussi que ceux qui travaillent comme toi soient payés, soient remontés. Ah, parce que l'autre jour, il fallait que je sois... Oui, toi, mais les gens... Mais que je gagne moins. Mais attends, tu m'augmentes, toi, Juliana. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Bon. Oh, ces gens ne demandent pas tant, hein. Ah oui, t'es assis. Qu'est-ce qu'il y a, Zinedine? Oui. Oui. Mais il y a papa dans chez moi. Tu lâches le micro, s'il te plaît. Oui, il y a ce bébé. C'est quoi? C'est un zoom. Les chiens, mon... Le chat, Le chat? De quoi tu parles, Zinedine? Oui, il y a un chien, mon... Tu lâches le micro, s'il te plaît. Il y a un chien. Il y a papa dans la chaîne. Papa? Il y a un chien bébé. Achetez bébé. Oui. Papa, il a acheté non, un bébé. Des toupies. Oui. Ah, des toupies bled. Ah, il faut baisser le prix des toupies. Ouais. Ah oui, ça c'est important, Zinedine. Ah bah oui. Oui, moi des 600 euros. Ouais, bah oui. Vous les avez payés cher les dernières. Oui. Ouais, bah c'est honteux ça. T'as raison. Hein. Il faut baisser le prix des toupies. Prix des consoles aussi. Non, il y a plus. Moi. Ah bah oui, oui. Non mais c'est ça c'est... Non. Ouais, ouais, bah écoute, je crois que ça a été entendu, ça, Zinedine. Hein. Alors là, il faut baisser le prix des toupies. Il faut baisser le prix des consoles aussi. Eh bah allez, allons-y, les consoles aussi. Hein. Comment? Et les DS. Des tablettes. Et les DS. Tout ce qui est écran. Bah disons que tout ce qui vous intéresse. Un grand écran plat, il faut les baisser. Ah oui. Donc des baisser chiens. Les taxes, peut-être. Hein. Même on donnait des lagons d'or. Sauf que j'ai rien compris. Des lagons d'or, tu sais, les trucs en or, là. Oui. Les lagons d'or, vous donnez chacun ça. Un lagot d'or chacun. Une encrevue, toi. Donne-moi beaucoup, hein. On t'en donnera 100, Corinne. 100 100 lingots d'or. Ouais. Une nanosure. Il va avoir de la brodée. Une nanosure d'or, moi, nanosure. Alors, les gilets jaunes, c'est bon, là? Oui. Oui. Vous avez d'autres choses à dire? Non. Non. Non. Non. Steven? De quoi? Les gilets jaunes. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Il faut qu'ils baissent les prix aussi. Ah ben c'est pas les gilets jaunes qui vont baisser les prix, hein. C'est non. Non, c'est pas eux, hein. C'est pas eux, non. Non. Donc c'est bon là. Et après il y avait encore un petit sujet. Par contre j'ai pas noté qui avait lancé le truc. Je suis désolée. Les attentats. Qui a parlé d'un attentat à Paris? Zinedine. Je crois pas que c'est Zinedine. Moi, je crois que c'est Juliana de souvenir. C'est qui? Je crois que c'est Juliana de souvenir. Mais non. Non. J'ai jamais parlé d'attentat, moi. J'ai une note de temps. Attends, toi. Mais de boum, de qui est ça? C'est pas Christopher qui a parlé d'attentat? Non. Bon, écoutez, on va pas en parler, hein, parce que moi j'ai fait l'erreur de pas noter. Oui, qu'est-ce que tu dis, Zinedine? Des gens, des questions. Il y a des gens c'est pas qui, toi, ont fait, qui ont fait quoi? Ah oui, des casse-moto. Casse-moto. Oui. Ah oui, des baisers. Pouh, il a mis un coup de poing. Des... Oui. C'était pas dans un jeu vidéo, ça? Non, vu ça, non, ah non. C'est moi. Moi, j'ai pas vu ça, Zinedine. Ah oui, ah oui. Ils se tiraient tous dessus, hein? Non. C'est dans quel jeu, ça, Zinedine? C'est un jeu, ça. Mais c'était un jeu? Non. Non, c'était où? À la télé? Non. Ah bah alors où? Dans ton rêve? Tu as fait un rêve? Bah j'aimerais comprendre, Zinedine. Où est-ce que tu as vu ça? La télé. Bah je viens de te dire la télé, tu me dis non. Je suis. Donc c'était à la télé. Oui. Et c'était où? C'était aux informations ou dans un film? Ah oui, un film. Ah bah oui. Non, je... non. Des informations. Oui. Voilà. Oui. Oui. Ils se tirent tous dessus. Non. Mais ça, moi, j'ai pas vu, Zinedine. Oh non. Corinne, Camille n'a pas parlé beaucoup. Bah oui. Mais les gens, t'as fait... Eh, je vois, non bougé. Non bougé. Qui c'est qui a dit ça? C'est Warren. Moi, lui. Il dit que c'est lui qui a dit pas bouger. Eh. À qui tu as dit ça? Plus seigneur que moi. Pas bouger à la mort. Ah, c'est confus, hein, Zinedine, là. Pas oh là là. Mais c'est Romain, ouais, j'ai un peu de mal à suivre, moi. Eh oui, c'est Romain. Romain, tu as peut-être mieux compris que moi. J'ai compris que tu l'avais vu aux informations. Oui. Mais j'ai pas vu cette histoire-là. Je suis désolé. Écoute, on va demander à Marc, par sécurité, des fois que nous, on est loupé quelque chose. Ça, alors, Marc, as-tu vu ça à la télé? Ben, écoute, j'ai pas... tout compris, mais je pense qu'à un moment il a parlé de l'histoire d'un ancien boxeur qui a boxé un flic. Ouais. Ah oh, oui, bah alors ça c'est pas récent, ça. Oh, Zinedine, mais tu regardes quelle chaîne donc, hein? J'ai des dangers, moi. Je vais faire la moto. Ah toi, tu t'es arrêté à la moto? Ouais, j'ai des cassés moto. Alors, est-ce que tu as vu ça à télé, toi? Pas la moto, après avec le boxeur, oui. Oui. Mais c'était pas les jours-ci, ça, avec le boxeur. C'est déjà passé. Il y a deux semaines. Oui, on avait déjà parlé, Zinedine. Mais l'histoire de la moto, là, moi, j'ai pas vu. Hein. Marc, peut-être, a vu. Non, voilà, toi. Non. Donc, tu veux bien laisser le micro, s'il te plaît. Merci. Oui, Christopher. T'entendais la télé, il y a une banque qui s'est fait braquer. Ah, une banque. Ouais, j'ai entendu aux infos. Ah. C'était où? Je sais plus. À Paris? Non, c'est pas Paris. À Nice? Non, c'est plus. À la Bresse? Non. Et puis alors? Ils ont pris plein d'argent. Ah, ils ont réussi alors. Oui. Hein? Wow. Je crois que je vais faire pareil. Faut gagner de l'argent. Oui. Mais c'était un gang en plein. C'est pas bien parce que tu peux aller en prison. Voilà. Ouais, Christopher, il dit c'était un gang. Oui, c'est toi un gang. C'est quoi un gang? Et plein de gens. Ah, ils étaient plusieurs. Ah, ils ont. Ils s'appellent les gangs les bons tuyaux. Le quoi? Les gangs les bons tuyaux. Le gang des bons tuyaux. Oui. C'est ça que tu dis? Oui. Est-ce que tu connais, Romain? Le gang des bons tuyaux, non. Je connais pas. C'est nouveau, ça, non? Non, t'as dit ça à la télé. Le gang des bons tuyaux. Marc, il parlait, Marc. Non, mais ça me rappelle une vieille série. Non, c'est pas ça. Hugues, il est bon. Non, c'est pas ça, c'est pas le dire. Bon tuyau. Je vais le dire. Christopher, moi, j'ai pas entendu, hein. Je suis désolé. Moi, j'ai dit, une banque s'est fait braquer. Comment? Une banque s'est fait braquer sur la 1, j'ai vu. Sur la 1, ils ont parlé de ça? Oui, aux infos, j'ai vu ça. Ouais, bah écoute, moi, j'ai pas vu, hein. Le gang des bons tuyaux, bah écoute, on essaiera de se renseigner. Corinne, c'est passé leur nom. Comment?

yo no quiero VIP ni la mesa. Yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha siempre. ¿Cuántas mujeres él tiene? Como 20. Yo te hablo claro para que estemos más claros, que el cloro que se quede con los diamantes y el oro, que yo soy el lobo. One life, two worlds, English, Spanish. One night, two girls, English, Spanish. Para sacar más locura, morena, bella a mi lado. Llegué mágica, perado, quiero ver ese futuro. Para sacar más locura, morena, bella a mi lado. Tu es satisfait, Christopher? Oui. Ouf. On a eu chaud, Corinne. Ouf, c'est fini. Ah ouais, ouais, ouais. Non, c'était pour rire, Christopher. Voilà. Donc, après, il y avait une petite séquence sport. Donc, je vais laisser Romain animer cette petite séquence, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. Avec Christopher, avec l'aide de Marc, si besoin. Voilà. Allez-y. Donc c'était quoi les résultats? On en avait parlé, Christopher, des derniers matchs de la France. Ah, le handball. Oui, on en avait parlé. Attends, j'étais sur la langue de la bouse. Ah, ah, c'est pas. Ah bon? On a battu l'Allemagne. L'Allemagne. La Russie, il me semble, l'an dernier. Donc on avait gagné 22-23, si je ne m'abuse. Oui, vas-y. Je sais pas, Marc. Oh, tout ce que je sais, c'est qu'on est qualifié pour les demi. Ouais. Et donc aujourd'hui, on joue contre... L'Allemagne ? Non. La Suède ? La Croatie. La Croatie, ah. Premier match de demi-finale. Il me semble que ça commence là. Non, c'est le dernier match. C'est la fin de poule. C'est ça, ouais. En réalité, ce match-là, pour nous, Français, on s'en fout. On est qualifiés. Oui, voilà, c'est ça. Oui, de gagner. On a encore un match ce soir. Avant-dernier, alors. Le dernier des poules, c'est ça. Mais on est qualifié quoi qu'il arrive. Avant-dernier, alors. Non, on parle pas des poules sur deux pattes. Allez, non, pas ça. Non, faut bon. Foot. Oui, faut. Ouais. Est-ce que il y a d'autres infos en sport là? Oui. Non. Si. Non. Ah, t'en as une toi? Ouais. Quoi? C'est quoi ça? Un bal? Ah non. Ah si? Le tennis. Oui. Le tennis? Oui. Ah, t'as vu du tennis toi? Mmh. Ouh. Je crois que t'as pas trop suivi là. Pas des résultats de moi sport. Oui, mais il n'y en a pas, moi. Il n'y en a pas. Si. Si, mais quoi? Ah oui. Oui. Pas. J'étais en devant. Oui. Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais je crois que ça a été fait là, le handball et tout ça, c'est bon. On passe à la suite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Comment ? À cause de ma musique, ça a pris beaucoup de temps. De toute façon, c'est de ta faute, ça, Christopher. Voilà. Ben, c'est aussi de la mienne. Hein. Ah oui, d'avoir pas mis la bonne musique. Hein. Voilà. Donc, alors, les petites infos à l'IME. On va rappeler ce que c'est qu'un IME. C'est ? Un établissement. Oui, mais IME, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, moi. Parce que là, il y a deux personnes qui sont avec Marc et Christopher, et ils ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un IME. I, c'est non. L'établissement. Non, I, c'est quoi? Institut. Institut médico-éducatif. Voilà, merci spécialisé. Juliana. Oui. Alors, quoi de neuf à l'IME? Rien, on a fini de démonter la serre. Ah bah, c'est pas du rien, ça. Alors, vous avez fini de démonter la serre, parce que ça fait déjà un moment qu'on en parle. Hein. Ça a été petit bout par petit bout, alors. Hein. Voilà, donc ça, c'est fini. Et puis... Enfin, Marion est partie, la stagiaire. Voilà, Marion qui était venue avec nous à la radio. Elle est pas là, voilà. Elle est partie, oui, ouais. C'est vrai, oui. Et oui. Puis, on avait un nouveau stagiaire. Il y a Romain qui est arrivé. Et puis t'avais aussi Claire, mais elle est partie. Elle est partie. Non. Claire, elle est en stage de... De toute la semaine, elle est partie le vendredi. Oui. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire comme métier, Claire? Stagiaire. Stagiaire. Je sais pas. Je sais pas. Et les autres, vous avez une idée, Timothée? Tu non. Te rappelles de Claire? Corinne. Oui. Oui, est-ce que tu te rappelles du métier qu'elle voulait faire? Je sais pas. Oui. Professeur. Bien, professeur des écoles. Merci, ouais. Camille. Bah oui, il y a au moins une qui sait. C'est bien. Des feuilles, des galets, des galets, des fumants. Oui, et après, il y avait aussi la dernière, c'est qu'en ce moment, il y a des sorties ski. Ah oui. Et il y en a quelques-uns, là, du groupe, qui vont. Non. Qui? Non, mon non. Zinedine. Comment? Nous, on n'y va pas. Oui, mais c'est prévu que vous y alliez. Il y en a, oui. Qui pas sont, moi, ni Géna. Oui, pour l'instant, vous n'êtes pas concerné, oui. Non. Nous. Mais c'est bien le ski, Steven. Corinne, oui. Le groupe collège. Comment? Le groupe collège, nous. Non, pas au collège. Non, Corinne. C'est le CIF Pro. Voilà, oui. Qui y vont. Et il y a même Aurore, le professeur de sport, qui va prévoir là, des sorties ski. Non, moi. Toi, non. Vous. Tu tiens pas sur des skis. Voilà. Et ce sera quand? Bientôt. Qu'est-ce que fucking? Est-ce que tu as déjà fait du ski, Zinedine? Non. Non. Bah alors, tu peux pas dire que tu sais pas. Il faut apprendre. Moi? Nous, on va faire du ski quand? Bientôt. Quand après avec... les vacances de février. Ah. T'es content? Oui. Bon, vous avez l'air très enthousiaste. En ah tout oui. Cas. Non, mais c'est très heureux. Moi, c'est pas faire de ski. Non. Comment? Non. C'est pas faire de ski. T'aimes pas faire de ski? Oui, moi, j'adore. Non, c'est que... Moi, je préfère faire du ski que le baba. Ah bah, au début, c'est sûr qu'on tombe un petit peu. Que le vacuum? On s'embête les pieds, surtout. Que le vacuum? Ah, ouais, on vous leur dira. Si, c'est que le vacuum? Zinedine, est-ce que je peux prendre la parole, là, sans que tu coupes sans arrêt? C'est que le vacuum. Moi, j'aimerais poser une question oui. À Romain. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette émission avec les jeunes? Bien. Est-ce que tu avais déjà participé à une émission de ce genre? Voilà, tes impressions. Donc, c'est ma première fois. J'étais jamais rentré dans un studio de radio. Donc, je savais pas du tout ce que c'était. Et je trouve ça bien parce que vous abordez plein de sujets, l'actualité. C'est un bon moyen de s'exprimer. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. J'aimerais bien revenir. J'aimerais bien revenir. Alors, est-ce que tu connaissais Radio Gamozo? De nom. De nom. Parce que je suis pas vosgien au départ. Donc, je connaissais de nom, mais je savais pas où c'était. Et... Voilà. D'accord. Mais j'étais déjà tombé dessus dans ma voiture. Merci Romain. Ouais. On peut encore en profiter pour remercier Radio Gamozo. Merci Radio Gamozo. Oui. Merci. Merci. Oui. Ah oui, des noms, bois coiffé. On n'a pas crié. On n'a pas crié, oui, mais l'émission n'est pas finie. Alors d'ici la fin, vous pouvez peut-être encore. Christopher, la technique, ça a été? Oui, très bien. Et Orga est heureux. Il est parce heureux. Que, parce que il va à la technique. Que le toit, il était contrarié. Ouais. Oui, il était contrarié parce que c'était Zinedine. Et la prochaine fois, c'est qui va à la technique? Moi, je crois. Moi, c'est moi qui vais aller à la technique. Ouais. C'est normalement, qui c'est toi, oui. C'est bien, hein? Comme ça, t'es planqué, là. Hein? On te demande rien. Timothée. Mais non, dis, Corinne, pour une fois, on va faire que parler Timothée. Ah, vous allez lui poser des questions. Oui, on lui parlera. Sans arrêt, sans arrêt, toute l'émission de la radio. Comme ça, il parlera, il sera pas planqué. On va lui apprendre à bien parler. Qu'est-ce que t'en penses, Timothée? Bah, ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Alors si je te demande là pour vendredi que tu m'apportes des infos, parce que j'ai déjà fait la semaine dernière, hein, est-ce que tu vas le faire? Oui. Oui. Donc vendredi, moi je veux pas entendre gilet jaune, hein, parce que ça c'est récurrent, c'est toujours la même chose. Hein, on sait que c'est d'actualité, mais il y a peut-être d'autres choses quand même qui se passent. Timothée. C'est bon, Sim. Donc vendredi, je compte sur toi pour apporter des infos. Ouais, des lundis. Et si c'est pas le cas, je vais peut-être repenser l'idée que tu ailles en technique la semaine prochaine. Oui. Oh. On est d'accord. Oui. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, on va remercier Romain d'être avec merci nous. Merci Romain. D'être ben, venu avec vous ce matin. Et on va souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine. À bientôt. Il est là. La petite Noé ne veut plus parler. La Mikao, ma Mikao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Cacao-amel. Monsieur Hannibal me mine le moral. Cacao-amel. Mamselle son long me traite de con. Thank you.